Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM, pour cette 29e chronique de Mille et une histoires de tatouages. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions continué de parler de la modification corporelle, en nous concentrant sur la modification corporelle du tronc et des membres. Ensuite, nous avions commencé à parler du tatouage de la cornée et avions terminé par le motif de l'étoile et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la modification des organes sexuels chez la femme, puis nous continuerons la découverte du tatouage de la cornée et terminerons avec un motif et ses significations. C'est parti! Nous avons pu voir, dans la chronique précédente, la modification du tronc et des membres, avec l'ablation des seins, le repassage de ceux-ci, la mammoplastie, ainsi que les modifications des mains, des pieds et de la silhouette. Hormis ces modifications, il en existe une autre, celle des organes sexuels. Concentrons-nous sur la modification chez les femmes. Ces pratiques qui sont ancestrales ont pour but de retirer, pour des raisons d'ordre coutumier, tout ou seulement une partie des organes génitaux externes féminins. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF donc, a estimé que 125 millions de filles et de femmes ont subi ce type de mutilation sexuelle, qui est, pour rappel, illégale dans la plupart des pays du monde. Dans certaines communautés, ce sont des pratiques qui sont un élément crucial des cérémonies d'initiation où elles marquent le passage des fillettes à l'âge adulte. Ces sociétés y voient un moyen de contrôler la sexualité féminine, de garantir la virginité des jeunes filles avant le mariage, ainsi que leur chasteté après. Ce sont des pratiques dont les origines sont relativement méconnues des chercheurs. Cependant, il existe des preuves de leur existence bien avant l'apparition du christianisme et l'islam dans les communautés qui les perpétuent aujourd'hui. De l'excision dite sunna, qui consiste à l'ablation ou l'incision du capuchon du clitoris, en passant par l'infibulation, une excision doublée de l'ablation des grandes lèvres, et suivie de la suture bord à bord de deux moignons, en passant par l'excision clitoridectomie, ablation du clitoris et des petites lèvres, ou encore l'introsition, qui consiste à élargir l'entrée du vagin par une incision de l'hymen et l'orifice vaginal. Les modalités varient selon les groupes humains concernés. Il existe d'autres pratiques concernant les organes génitaux féminins qui ont été décrites indépendamment ou en association avec les précédentes. Le perçage ou l'incision du clitoris et de ses lèvres, étirement du clitoris et des lèvres, cautérisation du clitoris, curetage de l'orifice vaginal qui consiste à retirer ce dernier, scarification du vagin ou usage d'une substance corrosive pour provoquer des saignements dans le but de le resserrer ou de le rétrécir sont là des techniques qui font partie de la modification corporelle. Toutes les mutilations génitales féminines pratiquées par les cultures traditionnelles sont généralement condamnées dans les sociétés occidentales. Cependant, ces dernières voient se développer depuis la fin du XXe siècle des pratiques de mutilation génitale volontaire à visée esthétique et érotique, en particulier différentes formes de piercing génital féminin. Comme vous avez pu l'entendre, il existe plusieurs modifications volontaires ou non des organes génitaux féminins. Lorsque ces dernières sont faites, c'est en général pour avoir plus de plaisir sexuel. Peut-être un mal pour un bien. Dans la chronique suivante, nous verrons les modifications des organes génitaux masculins. Mais en attendant, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette chronique, le tatouage de la cornée. Nous avons déjà pu voir dans la chronique précédente que le tatouage de la cornée avait pour but le médical. Mais nous ne connaissons pas encore les origines de ce dernier. C'est donc ce que nous allons voir ici. Il faut savoir que le tatouage de la cornée est pratiqué depuis plus de 2000 ans. La première mention de celui-ci a été faite par Galien, un médecin du 2e siècle né à Pergame en Asie Mineure en 129 et mort vers 216. Les méthodes de tatouage de la cornée ont été pratiquées plus souvent selon les périodes historiques et ont sombré dans l'oubli au long d'autres. Mais, dans l'ensemble, les méthodes ont évolué à travers l'histoire. C'est donc, comme dit plus tôt, une pratique ancienne. Galien de Pergame décrit pour la première fois le tatouage de la cornée en 150 après Jésus-Christ. Cette même pratique a été décrite par Aetius, un médecin grec de l'Antiquité tardive en 450 après Jésus-Christ, en tant que tentative de masquer l'opacité de l'œil liée à un leucome. Ces deux médecins cautérisaient la surface de la cornée avec un stylet chauffé. Une fois faite, ils vont appliquer de la teinture sur l'œil à l'aide d'une variété de colorants comme de la poudre noix de galle et du fer, voire l'encre ferrogallique, une encre noire à violette fabriquée à partir de sel métallique, surtout de sulfate ferreux, mais parfois de sulfate de cuivre et de divers tanins d'origine végétale, ou encore de poudre d'écorce de grenade mélangée avec du sel de cuivre. Ceci teindrait alors la cornée, corrigeant l'aspect esthétique de l'œil du patient. Il existe d'autres sources qui ont indiqué que Galien pourrait avoir utilisé du sulfate de cuivre. Cette procédure a été probablement utilisée uniquement sur les patients avec un leucome conséquent de la cornée. Les procédures ont subi, comme toute autre technique, un développement. Après la référence au tatouage cornéen de Galien au IIe siècle, la pratique n'est pas mentionnée jusqu'en 1869, lorsque le chirurgien oculaire Louis von Wecker, qui est aussi connu sous le nom de Wecker, a introduit une nouvelle méthode. En effet, il a été le premier à avoir utilisé l'encre de Chine pour tatouer un locum oculaire. Après avoir appliqué de la cocaïne à l'œil en tant qu'anesthésique topique, il a recouvert la cornée avec une couche épaisse d'encre et a inséré un pigment dans le tissu cornéen en le rainurant de manière oblique à l'aide d'une aiguille. Sa méthode a influencé toutes les méthodes postérieures. Ziegler cite plusieurs médecins qui ont contribué au développement de tatouage de la cornée. D'ailleurs, certains ont créé des nouveaux instruments pour améliorer le processus de tatouage. Frederick Winslow Taylor, un ingénieur américain né le 20 mars 1856 à Germantown, est mort le 21 mars 1915 à Philadelphie et est à l'origine d'une méthode de ce genre. Il a mis au point un faisceau d'aiguilles pour tatouer l'œil au lieu d'utiliser une seule aiguille. De Wecker a trouvé cette méthode plus pratique. En 1901, Nieden introduit une méthode utilisant une aiguille de tatouage basée sur l'idée d'un stylo ou quelque chose de similaire au crayon électrique Edison. Il a conclu que l'usage d'une aiguille électrique est plus rapide et fiable que les méthodes traditionnelles de tatouage. Un autre médecin, Armagnac, a utilisé un petit entonnoir qui se fixe à la cornée par trois petits points. Il mettait ensuite de l'encre de Chine dans l'instrument et le tatouait avec une aiguille. Armagnac a affirmé que sa méthode produit une pupille parfaitement ronde en une seule séance. Il y a encore d'autres médecins, tels que Victor Morax, un médecin ophtalmologiste, né le 16 mars 1866 à Morges et mort à Paris le 14 mai 1935, n'ont pas tatoué la cornée, mais ont changé son apparence à l'aide d'autres méthodes. Il a choisi de diviser le tissu cornéen en deux couches verticales, d'introduire une substance colorante sous le volet de pédicule et de placer un pansement compressif sur l'œil. Plusieurs méthodes ont été présentées au cours de l'histoire, évoluant de manière collective en plusieurs méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves en tant que méthodes les plus efficaces à ce jour. Au vu du nombre de médecins qui ont travaillé sur la technique du tatouage de la cornée, nous pouvons être à présent pratiquement sûrs que le tatouage de la cornée à but médical peut aider beaucoup de personnes et continuera encore d'en aider dans le futur. Dans la 30e chronique, nous verrons les différentes méthodes ainsi que les différentes encres. Passons à la troisième et dernière partie de cette chronique. Un motif et ses significations. Le motif du jour est le nœud. Tirant son origine de la symbolique du nœud dans la culture ancienne, le tatouage nœud est de plus en plus répandu. Il est arboré par de nombreuses femmes dans un but esthétique et a pour particularité de pouvoir se présenter sous diverses formes. C'est un tatouage qui peut arborer sur le cou, les bras ou encore le dos. Il en existe sous plusieurs types, ce qui fait que ses significations peuvent varier. Le nœud marin, c'est l'une des premières formes du nœud à s'être répandu à travers le monde, car il était porté par les grands voyageurs. Comme son nom l'indique, à l'origine, il était porté par les marins pour montrer leur attachement et leur amour pour l'océan. Il était gardé comme souvenir éternel d'un lieu qui les avait marqués. Bien sûr, de nos jours, ce tatouage qui représente des cordes entremêlées s'est répandu hors du milieu marin. Cependant, il a gardé le même sens d'attachement à la mer. Aujourd'hui, en plus de signification de base, il peut signifier l'attachement tout court ou l'affection pour une personne dont le nom peut être inscrit au milieu du tatouage. Il est, sous sa forme la plus répandue, c'est-à-dire le nœud qui sert d'accessoire de vêtements, associé à la féminité. Encore plus si le tatouage est réalisé dans les teintes roses qui les rend sensuelles et révèlent toute leur douceur. Cependant, ce tatouage au caractère quelque peu individuel peut aller au-delà de cette signification d'élégance. En effet, dans les traditions japonaises, deux personnes faites l'une pour l'autre sont attachées par le doigt via un fil rouge invisible. Ce fil serait le symbole qu'elles sont liées dans l'âme par le destin, donc âme sœur. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un dont vous êtes certain que c'est votre âme sœur, vous pouvez aller voir un tatoueur pour vous faire faire un tatouage nœud de fil rouge sur le même doigt. Ce ne sont pas là les seules significations du tatouage nœud. Il en existe encore d'autres, moins répandues et donc plus complexes, aussi bien dans sa conception que dans sa symbolique. Le nœud de l'infini. C'est un nœud présent dans les cultures bouddhistes et dans les traditions celtes. Il est d'abord grand symbole d'amour. Associé à Bouddha, il représente aussi l'enchevêtrement entre la compassion et la sagesse. Un tatouage nœud de l'infini symbolise donc la sagesse, la recherche de sérénité et la personnalité complexe. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage nœud peut avoir plusieurs significations. À vous de voir, dans celle citée, là où lesquelles vous représentent le plus. C'est ainsi que cette 29e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à adresse www.radiogamozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40.